The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Addition. Le supplément. Special promotion. L'offre spéciale. Spicy sausage. La merguez. Seafood. Le fruit de mer. Delivery. La livraison. Now, a bit faster. Spicy sausage. La merguez. Delivery. La livraison. Seafood. Le fruit de mer. Addition. Le supplément. Seafood. Le fruit de mer. Spicy sausage. La merguez. Seafood. Le fruit de mer. Delivery. La livraison. Spicy sausage. La merguez. Special promotion. L'offre spéciale. Addition. Le supplément. Now, use the words in context. Le supplément. I'd like an ice cream with extra chantilly cream, please. Je voudrais une glace avec un supplément de chantilly, s'il vous plaît. L'offre spéciale. Today's special is 2 for the price of 1. 2 pour le prix d'un. C'est l'offre spéciale de la journée. La merguez. Merguez generally accompanies couscous. Généralement, on trouve des merguez dans le couscous. Le fruit de mer. I love all kinds of seafood. Oysters, mussels, lobster. J'adore tous les types de fruits de mer. Les huîtres, les moules, le homard. La livraison. IKEA offers a home delivery service. IKEA propose un service de livraison à domicile. L'offre spéciale. Today's special is 2 for the price of 1. 2 pour le prix d'un. C'est l'offre spéciale de la journée. La merguez. Merguez generally accompanies couscous. Généralement, on trouve des merguez dans le couscous. La livraison. IKEA offers a home delivery service. IKEA propose un service de livraison à domicile.